concernant moi, contrôler, refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre parce qu'on sait qu'on va mourir. Thank you. Oh.